Voilà, on est en plein dans la diff de l'aspect française et on va de nouveau retrouver l'ami Thibaut pour le second focus de l'émission d'aujourd'hui. Et oh, quelle surprise, c'est un groupe des acteurs de l'ombre. Oh celle-là, je m'y attendais pas du tout, tiens. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce groupe ? Tu commences par faire un spoil dès le début de la truc, c'est très bien. Bien évidemment. Et quatrième album de Sordide qui sort, je reviendrai dessus justement, qui sort chez les acteurs de l'ombre. Donc l'album s'intitule Les Idées Blanches. Donc Sordide, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un groupe de black metal qui nous vient de Rouen, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont sorti un premier album qui s'appelle La France Impeur. C'est un album que j'ai vraiment adoré. Déjà, je trouve que le titre est absolument incroyable. Et ouais, c'est vraiment un très très bon album. Suivi de Fuir la Lumière. Alors personnellement, c'est l'album que j'ai le moins aimé du groupe. Je trouve un petit peu plus pauvre peut-être que ce qu'ils ont proposé sur les autres albums. Et donc un troisième album qui s'appelle Hier déjà mort, je crois. J'ai un doute dessus. Bravo, bien préparé ce focus. Voilà. Oui, non, félicitations. Mais... oui, c'est ça. Hier déjà mort. Tout à fait. Il me manquait la fin du truc. J'avais marqué hier déjà, c'est très bien. Après, lequel j'ai préféré entre le premier et le troisième album, je saurais pas trop le dire. Les deux sont excellents. Après, Sordide, donc c'est un groupe de black metal, mais qui est assez raw. Et qui est largement influencé par le punk, alors dans leur musique et également dans les thèmes abordés, parce qu'ils vont beaucoup traiter de sujets de société dans ce qu'ils font, et notamment pas mal de prises de position assez notables contre les mouvements d'extrême droite. Faut noter quand même que c'est un sujet qui est relativement rare et rarement abordé au sein du black metal. On retrouve plus aisément le radical opposé. Voilà, tout à fait. Là où je trouve justement le génie de Sordide, c'est que là où le punk va être très très direct au niveau de l'écriture et ça va être très frontal au niveau du message, Sordide a un travail d'écriture et une plume qui est assez acérée et qui permet de faire passer ça avec un beau texte. Le côté vraiment très, quoi qu'on en dise, poétique du black metal dans l'écriture que développe Sordide. Voilà. Et alors voilà, là je reviens justement sur une sortie Les Acteurs de l'Ombre. Et une sortie qui m'étonne sur les acteurs de l'ombre, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de signer des groupes qui sonnent aussi crus et aussi raw dans leur roster. Ils sont plutôt sur quelque chose de très moderne, voire de complètement post-black. Et j'étais surpris de les voir signer chez les acteurs de l'ombre. Oui, parce que Sordide joue sans capuche sur scène en plus. Ouais, en plus. C'est même étonnant que ça me plaise. Donc là, ce nouvel album qui s'intitule donc Les Idées Blanches, il est vraiment dans la continuité de ce que propose le groupe, avec un black metal froid, assez épuisant et oppressant à écouter. On a le côté punk qui tabasse vraiment le crâne et qui est un petit peu mis en relief par l'aspect black metal et des compositions très riches. Faut noter vraiment que c'est pas un black metal traditionnel, parce que c'est pas du punk black à la Darkthrone ou des trucs comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est assez chiadé dans ce qu'ils proposent. Et voilà, après à noter aussi que le guitariste chanteur, il est également membre de Ataraxy, un excellent groupe de funeral doom que moi j'adore personnellement. Et je pense que ça joue aussi dans l'approche musicale qu'on retrouve dans Sordide, quelque chose de pesant et d'oppressant qu'il peut y avoir dans leur musique. Donc grosso modo, ouais, c'est encore un projet très personnel, très viscéral, et sur, encore une fois, des sujets qui ne sont pas fondamentalement abordés avec ce style-là. Tout à fait. Et au niveau de l'esthétique, de ce quatrième album, il tranche complètement avec les trois albums précédents. On était sur quelque chose de très... très dans l'esprit gravure noir et blanc sur les trois précédentes sorties. Et là, on est sur une pochette qui fait un énorme contre-pied. Donc je dirais que ça attise encore un peu plus l'intérêt qu'on peut avoir pour ce groupe. Tu nous présentes rapidement le titre choisi pour illustrer ce focus ? Ouais, du coup pour ce soir, encore une fois, c'est différé par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Mais le morceau, donc, ce sera L'Atrabilaire. C'est vraiment le morceau que j'ai préféré de l'album. Il est complètement représentatif de ce qu'on y retrouve. Et c'est une petite pépite. Elle est encore une fois très réussie et encore un très bon album de la part de Sordide. Voilà, la présentation de ce nouveau focus est faite, signé Sordide, dont s'écoute le titre L'Atrabilaire, extrait de leur nouvel effort studio Les Idées Blanches, est déjà dispo via Les Acteurs de l'Ombre.